France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. J'écris pour être seul, je photographie pour disparaître, écrivait Denis Roche. Mort en 2015, écrivain, poète et éditeur, fondateur au Seuil en 1974 de la collection Fiction et compagnie qu'il dirigea pendant plus de 30 ans, Denis Roche a laissé aussi une œuvre photographique considérable et des écrits parmi les plus importants sur la photographie. En 1999, il signait « Le boîtier de mélancolie », un ouvrage rassemblant une centaine de photographies de 100 photographes différents, de Nicéphore Nips à Bernard Plossu, en passant par tous les plus grands noms de la photo, mais aussi par ceux de photographes inconnus. 100 photographies de 100 photographes qu'accompagnaient 100 textes de Denis Roche, écrit à propos, à partir ou autour de chacune des images reproduites dans ce livre. En 1999, à l'occasion de la parution du boîtier de mélancolie aux éditions Azan, Denis Roche était invité par Alain Weinstein dans « Du jour au lendemain ». Il y disait comment il avait composé cette histoire très personnelle de la photographie. « Du jour au lendemain », avec Denis Roche, une émission diffusée la première fois, le 16 mars 1999, sur France Culture. Réfléchissez bien, il ne peut y avoir de pléonasme en photo, car une photographie, quelle qu'elle soit, parle déjà deux fois du temps. Une fois pour dire qu'elle s'en saisit, et une autre pour dire qu'il est passé. Et il ne peut y avoir non plus, en elle, de trompe-l'œil. Elle est et sera toujours la mise en abîme par excellence. Elle est l'esprit qui regarde l'abîme. Elle est un morceau de l'abîme tranché net, avec quatre angles droits, terriblement coupant. Du jour au lendemain avec Denis Roche qui publie Le boîtier de mélancolie, la photographie en 100 photographies aux éditions Azan. Ce que j'ai trouvé assez étrange, Denis Roche, c'est que dans la petite biographie de vous qui est donnée par le service de presse des éditions Azan, on fait pratiquement l'impasse sur l'écrivain. On insiste sur l'éditeur, on rappelle que vous dirigez la collection Fiction et compagnie et la collection Les Contemporains aux éditions du Seuil. Sur le photographe, évidemment, parce que c'est un livre de photographie là dont il est question. Mais l'écrivain est tout de même, il me semble, passé un peu brutalement sous silence. Ça vous plaît, ça ? Ce texte doit être, cette petite biographie doit être une xième mouture de papier du même genre qui traîne dans mon tiroir. Je ne sais pas, peut-être que... Je n'ai pas dit du tout que je suis un écrivain. C'est inouï. Si, je pense qu'il y a tellement de gens qui écrivain et photographe, mais on ne précise pas. Je pense qu'il y a tellement de gens qui le savent que c'est inutile de le rappeler. Mmh. Vous, est-ce que vous le savez encore? Peut-être que ma pudeur est grande là-dessus. Mmh. Oui. C'est un sujet qui fâche. C'est toujours un peu compliqué pour les gens de considérer qu'on peut être d'un côté un écrivain et de l'autre un photographe. Je dis bien exprès, d'un côté et de l'autre, parce que pour les gens, ça ne peut pas être le même côté. Il est plus facile pour les gens de mettre en avant le fait que je travaille dans l'édition, ce qui n'est rien d'autre que ma profession pour gagner ma vie, et profession à laquelle je ne m'identifie pas. Donc c'est plus simple. Voilà. Puisqu'il va être question surtout du photographe dans cette émission, à partir de ce livre qui vient de paraître, Le Boîtier de Mélancolie, j'aimerais quand même qu'on dise un mot de l'écrivain, parce que il y a 2-3 ans, vous avez publié vos œuvres poétiques complètes dans votre collection, Au Seuil, ce qui laisse entendre que, bon, c'est vraiment fini, la poésie. Et d'un autre côté, on sait que, parce que de temps en temps, vous le rappelez, qu'il y a un livre toujours en cours, dans un tiroir, quelque part. Et... Un livre de quoi ? Vous voulez dire de littérature ? De littérature, oui. Oui, non, mais il y a beaucoup de... Enfin, il y a des malentendus sur mon compte qui me gênent toujours beaucoup, c'est que... Enfin, il y a longtemps que j'ai pris l'habitude de faire avec, c'est que, sous prétexte que j'ai cessé d'écrire de la poésie, il y a longtemps, il y a 20 ans, on en déduit presque automatiquement que j'ai donc cessé d'être un écrivain. Bon, alors que depuis, j'ai publié beaucoup de livres, beaucoup de textes. Mais ça va jusqu'à provoquer chez des gens des réflexes curieux. Puisque je suis l'homme qui a cessé d'écrire de la poésie, je remarque depuis longtemps, parce que les gens savent que je suis un photographe, je remarque que depuis longtemps, quand je rencontre des amis, que je croise des gens... ils prennent un air un peu navré et ils me disent « Tu fais toujours de la photo ?» Sous-entendu, au fond, tu as tout arrêté, tu arrêteras tout. On aimerait bien que tout ça soit un peu clarifié, qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Bon, voilà, j'écris, je fais des photos, je publie des livres, je fais des expositions et je fais mon métier par ailleurs. Ça me paraît déjà pas mal. Alors, si en plus il faut affronter cette espèce de demande négative à répétition, c'est un peu fatigant. Ouais, fatigant. On voudrait que j'écrive, que je publie un roman, c'est ça, quoi, qui n'est jamais dit. Et vous, vous auriez envie de faire ? Mais moi, je crois à la littérature. Pour moi, la littérature n'est pas forcément le roman. Ouais. Parce que moi, je me réfère à un entretien avec Jean Rista dans les Lettres françaises, un entretien publié en 1992, c'est pas si loin que ça, où vous parliez de ce travail en cours, que vous présentiez plutôt comme un roman, et vous disiez que votre rêve, et que c'était peut-être pour ça que vous ne finiriez jamais ce livre, ou que vous ne le publieriez jamais, votre rêve, donc, ça serait qu'en arrivant aux dernières pages... déjà écrite, paraît-il, vous n'ayez vraiment plus rien à dire parce que vous auriez dit tout ce que vous vouliez. Vous voyez, même moi, il m'arrive de rêver que je m'arrête. Oui, non, mais il y a des livres en train, comme ça, auxquels j'ai travaillé à certaines époques. Voilà, j'ai eu le tort, peut-être, d'annoncer il y a longtemps un roman qui s'appellerait Le Gambit de la Reine, d'annoncer... une sorte de journal très copieux qui s'appellerait Les Essais de littérature arrêtée, et j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, quoi. C'est évident, ça. C'est arrêté, ça, cet essai? C'est plus ou moins en cours selon les moments. Ça va pas assez vite? Non, mais il n'y a aucune urgence. Il n'y a aucune urgence. Je ne concours à aucun prix littéraire, je n'ai pas d'échéance chez les éditeurs. Voilà, je suis dans une liberté totale. Je trouve ça bien. Alors la photographie, ça fait quand même 20 ans que vous en exposez et que vous en publiez. Oui. Vous avez commencé en 78 avec Notre Antéfix, qui est un livre qu'on a considéré ensuite comme... l'acte de naissance d'un genre photographique bien déterminé, qui serait la photo-autobiographie. Oui, c'était un cas un peu particulier, ça, parce que je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de la photographie, de la grande photographie, sont de la photo-autobiographie. Simplement, j'ai voulu insister un peu là-dessus... parce qu'il y a une chose dont les gens prennent mal conscience, à commencer même par les photographes d'ailleurs, c'est que une photo, quelle qu'elle soit, est toujours autobiographique, pour une raison extrêmement simple, c'est que le photographe est là quand il fait la photo. On ne peut pas éviter ça. Une scène de guerre, un portrait, un nu, une photo d'architecture, une photo anecdotique. Le photographe est là quand il prend la photo. Il est devant la chose qu'il photographie et cette chose qu'il photographie, souvent, le regarde. Évidemment, quand on dit ça à Cartier-Bresson ou à William Klein, ça les énerve considérablement parce que ils ont toujours pris un soin extrême à ne rien faire passer de leurs sentiments, de leur présence dans l'image, qui semble toujours un peu tomber du ciel. Mais le fait est quand même là. Alors, on ne peut pas dire ça d'un autre art quel qu'il soit. Même le peintre qui est... Comment dire, le peintre évidemment touche sa toile avec le pinceau, mais il est pas strictement contemporain de cette peinture, tout simplement parce que la peinture peut être très très longue à élaborer, mais dans la fraction de seconde pendant laquelle se fait une photographie, l'autobiographie est considérable. Mais ce qui vous caractérise, vous, en tant que photographe, Denis Roche, c'est que vous êtes aussi un écrivain. C'est ça le malheur. évidemment, je regarde les photos, je fais des photos. Je précise que dans le livre là dont on parle, il n'y a pas de photos de moi. Hein. C'est uniquement des autres. Oui. C'est les noms manquants peut-être. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que quand je parle uniquement des photos des autres, puisque là c'est une espèce de survol de l'histoire de la photographie, je peux me replier entièrement sur la littérature. Je veux dire que mes textes dans ce livre sont des textes d'écrivains qui s'occupent d'être un écrivain du regard et de préciser un peu ce que c'est que le regard et de préciser deux regards. Là, le fait d'être un écrivain aide beaucoup, c'est que ce livre parle de deux regards. Celui du photographe qui a fait la photo qui est publiée, que je traque un peu, je me mets dans certains de ses textes, je me mets à la place du photographe, je recule en même temps que lui, j'agrandis l'ouverture, je me rapproche, je cadre un peu plus à droite pour avoir tel ou tel détail. Il y a des textes comme ça où je suis vraiment à sa place. Donc j'essaye de coïncider avec le regard qu'il a eu en faisant sa photo. Et puis il y a le deuxième regard qui est celui du spectateur, du lecteur du livre, qui va regarder cette photo dont il ne sait rien. Donc la littérature, ma littérature à ce moment-là consiste à essayer d'aller du premier regard au second, du second au premier, et d'établir des passerelles entre les deux et quelquefois d'essayer, c'est pas facile, de les confondre en un seul. Voilà. Je crois qu'en donnant un certain nombre d'informations d'ordre sensoriel, émotionnel, sur le temps, l'abîme, des choses comme ça, la dramaturgie, en faisant sourdre un peu toutes ces notions-là d'une photo, il me semble qu'à ce moment-là, le regardeur de la photo peut être à l'intérieur et se retrouver dans un peu comme le photographe qui a pris la photo. C'est là, quoi. Au fond, je suis, par ces textes, je suis un passeur qui fait le passeur par les phrases, par les mots... Voilà. Votre tentation constante, au fond, c'est de joindre l'acte à la parole. Oui. Hein? Et du reste, vous n'avez pas attendu le boîtier de mélancolie pour le faire. Il y a eu ce livre aussi, La disparition des Lucioles, qui est un recueil de vos textes théoriques qui montre que l'acte photographique, vous essayez d'y réfléchir constamment. Hein? Il y a ce partage aussi continu entre votre travail de photographe, quelquefois qu'on trouve dans des livres comme Ellipse et Lapse, publié chez Mag en 91, et celui qui, avec des mots, essaye de comprendre ce qui se passe. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus Oui, qu'est-ce que vous pourriez dire? Et la tentation de parler de la photo, c'est aussi à un moment... toute une période où on pouvait suivre vos textes dans la revue City, une revue qui a disparu aujourd'hui. Oui, c'était un peu le même principe que le boîtier de mélancolie. D'ailleurs, l'éditeur Éric Cazan, qui publie le boîtier de mélancolie, m'avait commandé ce livre sur le modèle, précisément, de mes chroniques dans City, qui avait été recueilli dans un livre qui s'appelait Écrit momentané. Mais dans City, c'était des chroniques sur des jeunes photographes, contemporains, inconnus ou très peu connus, essentiellement. Donc il fallait, le travail consistait à rencontrer très souvent beaucoup de jeunes photographes, de regarder leurs photos, jusqu'au moment où je me disais, tiens, sur une photo comme ça, je peux dire des choses différentes, un peu nouvelles, etc. Bon, là, évidemment, dans la mesure où j'ai affaire à cette énormité qu'est l'histoire de la photographie, le choix est tellement gigantesque, parce que j'ai choisi 100 photos, c'était le principe, il fallait le faire en 100 photographies et une seule photo par photographe. Bon. Alors, il y a 10 millions de choix possibles qui seraient tous aussi bons, aussi légitimes ou aussi condamnables, bien entendu, parce que on peut toujours me dire que dans mon livre, j'ai pas mis un tel, ou que pour un tel, j'ai choisi telle photo qui est pas significative ou qui est inconnue, j'ai pas mis la grande qui est célèbre, etc. Ou que pour tel autre, j'ai mis précisément la photo célèbre et pas une autre. Bon. Donc, tout ça est un peu à l'infini. Le problème, je vais vous dire, pour un livre comme ça, j'ai mis longtemps, j'ai d'abord choisi les photos, et j'ai mis très longtemps pour choisir les photos. Au hasard, parce que je suis pas un historien, je suis absolument pas un historien de la photo, et je suis pas un critique de la photo. Donc mon choix était très pulsionnel, j'ouvrais des livres, des revues, un peu au hasard, puis je me disais, tiens, ça c'est pas mal, ça serait bien. Vous n'êtes pas parti des photos, vous êtes parti des photographes plutôt, non? Je suis parti, oui, bien entendu, j'ai d'abord fait une liste de photographes, pour donner un peu des vertèbres à mon projet, et puis à partir de là, j'ai choisi les photos. Mais ça a fait tomber un certain nombre de photographes, j'ai introduit des photos anonymes, ou de gens très secondaires dans la photographie, ou pour certains, tout à fait insignifiants dans l'histoire de la photographie, mais tout d'un coup, il y avait une photo sur laquelle j'avais des choses à dire. Et la fin du choix a été pour moi... la nécessité d'affronter un problème qui est que quand je retenais une photo, il fallait que j'aie quelque chose à dire dessus. Et que, évidemment, sur les 100 photos, je puisse avoir une très grande quantité de sujets différents à traiter et de manières différentes de les traiter. C'est ça que je voulais faire, au fond. L'enjeu, il est surtout littéraire. Je voulais, dans 100 textes différents, pouvoir... avoir des entrées de texte très différentes, des attaques très différentes, aborder la photo par un biais chaque fois différent. Pour certains textes, ne parler pratiquement que de technique, pour d'autres, ne parler pratiquement que de cadrage, pour d'autres, situer quelque chose, une espèce de dramaturgie autour de l'instant et dans l'endroit où la photo a été prise. Y a un certain nombre de textes qui n'ont pratiquement aucun rapport avec la photo en face, qui se donne simplement une espèce de parallèle entre deux arts très différents. Et bon, donc il fallait que j'aie quelque chose à dire, parce qu'il y a une chose dont je me suis rendu compte il y a longtemps, c'est que devant un certain nombre de très grandes photos, très célèbres, vous n'avez rien d'autre à dire que « regardez, c'est magnifique ». Il n'y a rien d'autre à dire. Ça coupe le souffle. Oui, et c'est très difficile, parce que quand même, il fallait que je fasse chaque fois entre 30 et 40 lignes, donc toujours un peu le même rythme, début, une fin du texte. Il y a beaucoup de photos qu'on aime énormément, mais où il est très difficile de faire... Sinon, on se lance dans une analyse théorique. Bon, et ça, il y a énormément de gens qui le font beaucoup mieux que moi. C'était pas mon propos. Hein. Est-ce que justement l'intérêt d'une photo se mesure pas à sa force de résistance à... Ah, mais il y en a qui ont des résistances formidables. Alors là, l'écrivain que je suis ruse avec l'image. Ça devient. Ça devient passionnant parce qu'il y a des... Je mets la photo à côté de moi et puis je tape sur mon clavier. Je prends pas de notes, je réfléchis pas. Donc je commence comme ça directement la page sans savoir ce que je vais dire. Et je regarde constamment la photo qui, elle me regarde. Qui souvent, elle m'attend en tournant. Je dirais presque à certains moments, il me semblait qu'elle ricanait un peu, qu'elle me disait, tiens, c'est sur une fausse piste, là, comment tu vas faire pour retomber sur tes pattes 10 lignes plus loin? Bon, il y a, donc il y a une espèce de jeu comme ça, verbal, qui est propre à l'écriture, hein, qui est exactement du même ordre que dans la création romanesque. C'est la même chose, hein. Sauf que les personnages du roman, là, se réduisent à deux personnages. L'un qui est dans la photo, ou qui est le photographe de la photo. Mais souvent, il y a des gens dans la photo. Et puis moi. Et dans certains moments, je n'étais pas sûr que le moins vivant des deux soit celui de la photo. La photo, alors, comme un déclic d'écriture? Oui, ça peut ne pas... Une contrainte mais... aussi oui, dans le processus d'écriture. Oui, une contrainte. Oui, une contrainte parce que... Enfin, peut-être pas trop pour moi parce que je suis conscient de ça depuis longtemps parce qu'il y a... À l'époque où j'écrivais des livres de poèmes et où j'étais donc quelqu'un d'assez normal pour son époque. Vous en parlez avec une certaine mélancolie. Les problèmes de cadrage étaient... oui, mélancolie, je sais pas, oui, peut-être... les problèmes de cadrage m'occupaient beaucoup. L'instantanéité aussi. Avant même de faire des photos. Et l'instantanéité, la vitesse, le cadrage. Voilà, c'était deux obsessions que je crois avoir menées assez loin dans un livre, après les livres de poèmes, qui s'appelait « Dépôt de savoir et de technique », qui est contemporain tout à fait du moment où j'ai commencé à exposer les photos, à les publier. Et alors, quand on écrit à propos d'une photo, le problème du cadrage est très violent, parce qu'on voit à côté de soi quelque chose qui est carré ou rectangulaire, qui n'est jamais autrement... Il y a donc quatre angles droits qui sont d'une présence extrême. Parce que les photographes vous diront, vraiment la plupart d'entre eux vous diront, si vous leur dites qu'est-ce que c'est pour vous la photographie, vous diront c'est d'abord un cadrage. C'est évidemment essentiel. Ce que le regardeur de la photo a très peu conscience de voir, mais c'est d'abord du cadrage. Et ce cadre est rempli instantanément, en une fraction de seconde. Ce qui n'est pas du tout indifférent. C'est le seul art qui fonctionne selon l'instantané, quand même. Et c'est quand on écrit devant ça, les quatre angles droits, le fait que c'est rempli instantanément, alors que nous, pauvres écrivains, nous sommes dans la besogne, quand même, pour remplir une page, et le fait que c'est... Comment dire que c'est muet, une photo. J'ai longtemps rêvé de faire un texte, un tout petit livre sur la photo qui ne parlerait que du silence photographique, qui est une chose qui m'obsède. Pourquoi est-ce que j'ai eu conscience de ça il y a longtemps déjà? Je me suis dit, on ne peut pas parler du silence de la peinture. Ça n'existe, ça ne veut rien dire. Pourquoi est-ce que le silence photographique, je parle des poteaux qui sont encadrés, accrochés sur un mur, une galerie ou un musée, c'est d'un silence stupéfiant, parce qu'on voit des choses précises, on voit des gens, on voit des actions, des événements, des lieux précis, mais il n'y a pas le contexte. On vous dit pas, c'était à telle occasion, il se passait telle chose, la personne qui est là à droite de l'image s'appelle monsieur un tel, il va voir à gauche ce qui se passe, vous n'avez aucun contexte. Les gens trouvent ça plus ou moins assez normal. Moi, non. Je trouve ça terriblement silencieux. Un portrait photographique est quelque chose d'incroyablement présent. Et cette présence est un silence terrifiant. Bon, voilà. Il y a ce silence redoublé, justement, dans la photo qui accompagne le texte dont j'ai extrait trois lignes que j'ai lues pour commencer l'émission. Ces lignes où vous parlez, justement, des quatre angles droits terriblement coupants de la photographie. Et là, bon, je vais pas dire de qui c'est cette photo, parce que c'est l'une des nombreuses photos anonymes que vous avez retenues dans votre histoire en 100 photos. Et je ne vais pas non plus en donner le titre, parce que c'est une photo sans titre. Oui, c'est un daguerréotype. Voilà, un couple américain qui pose donc de face pour un portrait, mais ils tiennent entre eux, tous les deux, à bonne hauteur pour que ce soit au centre de l'image, un daguerréotype de leurs parents, on peut imaginer. Quoi. Donc c'est vraiment la photo. C'est plus que la photographie en abîme, c'est le temps en abîme, les générations en abîme l'une dans l'autre, et très très tôt dans l'histoire de la photographie, je crois que c'est une photo de 1850, non, il me semble, oui, vers 1850. Voilà, c'est ça. Donc c'est très très tôt, et ce sont des gens, je veux dire, c'est certainement pas un intellectuel, un théoricien qui a fait la photo, c'est un photographe de studio qui faisait des portraits de gens. À la demande, très très tôt, il était évident pour les gens que ce que la photo captait, c'était le temps, le passage du temps, puisqu'il mettait les photos dedans, etc. C'est formidable. Les photos que Belloc faisait au début du siècle des prostituées à la Nouvelle-Orléans, qu'il photographiait nues d'une façon... D'ailleurs, j'en ai mis une là-dedans, oui, c'est vrai. Souvent, sur ces photos, donc, il y a une femme nue, debout, en train de rigoler, en général, dans une pièce nue. Mais souvent, dans ces photos, sur les murs de la pièce, derrière, il y a des photos encadrées. Ce qui est naturel. Un peintre ne ferait pas une chose comme ça. Chez un peintre, une mise en abîme est extraordinairement recherchée, significative, soulignée, présente à l'image. Dans une photographie, c'est une chose banale. Bon, il se trouve qu'il y a des photos sur le mur. Voilà, on ne va pas les enlever pour faire le portrait. Mais là, dans une photo... C'est constant que c'est un effet du temps, la photo. C'est le temps... L'invention de la photographie, qui pour moi est une des très très grandes inventions des temps modernes, pas parce que je prends du plaisir à écrire dessus, mais parce que on a du mal à percevoir ça aujourd'hui, bien sûr, parce que c'est devenu si naturel. Mais quand la photo est inventée, elle arrête le temps pour les gens, puisqu'ils peuvent se photographier, mettre dans la poche une photo de la personne qu'ils aiment et pourront regarder cette photo pendant 30 ans, 50 ans. Les petits-enfants pourront la regarder à leur tour et verront une personne à 30 ans, en pleine beauté. C'est stupéfiant d'avoir inventé quelque chose qui a arrêté le temps. Moyennant quoi, bien entendu, si vous regardez cette photo 20 ans, 30 ans, 50 ans après qu'elle a été prise, cette photo montre que le temps est passé. Donc il y a les deux comme ça, il y a la photo arrêtée, c'est ce que prend l'image, elle prend qu'elle arrête le temps, et elle signifie, c'est pour ça qu'il y a le mot mélancolie dans mon titre, que ça va, cette image va provoquer assez vite de la mélancolie chez celui qui la regarde. C'est un poète que vous avez placé en exergue à ce livre, Le boîtier de mélancolie, Denis Roche, qui est publié chez Azan. Et ce poète, c'est Henri Michaux. Cette phrase, « Homme, regardez-vous dans le papier », vous l'avez choisie comme particulièrement significative. C'est plein de significations, mais ça. Mais en même temps, est-ce que ça ne correspond pas à une période en passe d'être révolue aussi ? Avec le numérique, le papier recule. Non, ça, j'y crois pas du tout. Pas du tout. Non, ce sont des fantasmes de fin de siècle, ça. Il y a déjà longtemps que Michel Butor annonce qu'il sera le dernier écrivain à publier des livres avec du texte imprimé, parce qu'il rêve d'être le dernier écrivain. Mais nous savons bien qu'il ne sera pas le dernier. Il y en aura encore beaucoup. Non, je n'y crois pas du tout, ça. Non, oui, oui. C'est comme si vous ça fait un peu archaïque, le papier, je trouve. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non. Je crois que les inventions techniques ne remplacent jamais l'invention technique qui précède. C'est comme si vous m'aviez dit il y a 100 ans, oui, 100 ans, à propos de photos, la photo noir et blanc, c'est fini, il n'y aura plus que de la photo couleur, puisque la photo couleur s'est faite bien avant la fin du 19e siècle. Pas du tout. Bien sûr, il y a des tas d'œuvres de photographes qui se font en couleur. Mais l'axe central, médian, celui qui avance continuellement et sur lequel se greffent les autres tendances, c'est le noir et blanc en couleur. J'ai limité mon livre au noir et blanc et j'ai enlevé toutes sortes d'autres choses que je ne voulais pas traiter. Je ne voulais pas traiter la photo de mode, je ne voulais pas traiter la photo plasticienne, je ne voulais pas très peu traiter le reportage, il y en a quand même quelques-unes. Donc j'ai pris l'axe central, ce qu'on appelle la vision directe. C'est-à-dire ce que les photographes trouvent devant eux. Donc il n'y a pas les mises en scène, les installations, les choses comme ça. Mais c'est le noir et blanc. Il continue. La photo a été inventée en 1826. C'est toujours le noir et blanc. Les grandes expositions de photos... aujourd'hui, dans le monde entier, 3 fois sur 4, c'est le noir et blanc. Les grands inventeurs de l'imagerie photographique l'ont fait en noir et blanc. Le papier imprimé, c'est pareil. Pensez que la technique... Le cinéma n'a pas remplacé la photo, n'a pas fait disparaître la photo. Mmh. La télévision n'a pas fait disparaître le cinéma. On a plutôt tendance, même depuis quelques années, à penser que le cinéma repart en flèche. Donc voilà, je pense que... Oui, c'est pas la photo qui est en cause, c'est son support, uniquement. On se sert évidemment beaucoup de l'ordinateur maintenant comme support pour les photos. On peut les projeter sur son écran, on peut les envoyer pour être imprimés par l'intermédiaire d'autres ordinateurs. Mais je ne crois pas qu'on puisse remplacer le plaisir... tactile, intense, qu'il y a à développer une pellicule de noir et blanc, à regarder la planche contact qui est sur du papier, à choisir la photo qu'on va agrandir, à l'agrandir sur un support papier. Ça, je crois que ça, c'est d'une pérennité peut-être consternante pour beaucoup de gens. Mais ça n'empêchera pas toutes les autres formes techniquement beaucoup plus évoluées d'exister aussi en même temps pour d'autres usages, bien entendu. Mmh. L'histoire de la photo montre que ce n'est pas la technologie qui dicte la loi. Non, je crois que la création, et je crois aussi que la consommation, sont infiniment plus subtiles, ramifiées que les sociologues ou les politologues veulent nous le faire croire. Ça paraît manifeste. Dans n'importe quel domaine, c'est constant, ça. Mmh. Le livre n'a pas disparu sous prétexte qu'on avait inventé la télévision. C'est une vaste blague. L'Observateur même, qui semble faire des découvertes stupéfiantes de temps en temps, vient de sortir un numéro pour dire que les jeunes lisaient, contrairement à ce qu'on pensait. Oui, mais les bibliothèques... L'Observateur pensait que les jeunes ne lisaient plus depuis longtemps. Peut-être que c'est une question d'âge à l'Observateur. Mais je veux dire, c'est infiniment plus complexe que ça. Les bibliothèques sont virtuelles, aujourd'hui. Oui, le virtuel me paraît quand même une invention merveilleuse pour traiter de l'absolu, du néant, rassurer peut-être les gens. Je veux dire, c'est le problème de la caverne de Platon qui se retrouve posé de nous. Est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous sommes réels? Est-ce que ce que nous voyons est la vérité ou est-ce que c'est au contraire une illusion? Oh, tout ça n'empêche pas de vivre. En tout cas, vous semblez répondre quand vous donnez une très belle définition de la photographie dans votre livre. La photographie est le secrétariat perpétuel de la présence. Oui, c'est pas mal ça. J'avais oublié que j'avais écrit ça. Oui. Rien à voir avec l'académisme, bien entendu. Ben oui, c'est ça. C'est une façon... Dès qu'on ouvre l'œil le matin, on est entouré de présence, évidemment. Et, c'est de façon si ininterrompue qu'il faut faire un effort considérable pour se dire attention, ce que je vois là est présent devant moi, matériellement présent, je peux le toucher. Et la photographie est une façon magnifique d'être chaque fois, à chaque prise de photo, dans le maximum de lucidité possible, c'est-à-dire d'ouvrir grand les yeux et de se dire je vois, je regarde un paysage, à droite il y a une ligne de peupliers, l'horizon se perd à gauche dans de la vapeur, au troisième rang il y a des plantations, au deuxième rang je vois quelqu'un qui est en train de passer, au premier rang il y a des herbes qui sont de telle forme, de tel détail, et puis je vois des différences... c'est en relief, je vois des profondeurs entre chaque... Donc vous analysez en quelques brefs instants quelque chose que vous ne voyez que très grosso modo en temps normal. Donc c'est un surcroît d'énergie tourné vers un surcroît de lucidité. Et je trouve qu'on devrait faire ça, même les gens qui ne prennent pas de photos devraient faire ça de temps en temps, quand même dans la journée, ça aide un peu. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus, vous, la traque ou la prise ? Ah là là, on en arriverait presque en arrière à l'époque des féministes qui poussaient du hurlement parce qu'on était des prédateurs quand on faisait le portrait d'une femme, ou une photo de nue alors, évidemment. Non, la traque, non, je ne suis pas du tout... D'abord, je ne suis pas photographe professionnel, donc je ne suis pas le genre de photographe qui se promène toute la journée ou qui l'aille avec un appareil photo autour du cou, au cas où il se passerait quelque chose. Bon, ce n'est pas du tout ça. Donc, ça m'arrive de temps en temps. Ce n'est pas de la traque, c'est plutôt une... C'est plus calme que ça. C'est une mise en disponibilité pendant quelques heures. Au cas où, bien sûr. Voilà. Mais c'est vraiment une mise en disponibilité, c'est-à-dire que tout d'un coup, je ne m'occupe plus du boulot, je ne suis plus devant ma machine à écrire ou mon ordinateur, je suis plus au téléphone, je suis pas forcément avec quelqu'un, et je me mets en état de disponibilité avec un appareil photo à la main. Voilà. Et puis je me promène, je vais quelque part où je suis chez moi, tout seul, j'observe les effets de lumière sur un détail... Et puis, dans ce moment de disponibilité, alors, tout d'un coup, ou pas, il y a un effet de prise qui se produit, où tout d'un coup, le réel est plus réel. Tout d'un coup, quelque chose se met dans l'ordre qu'il faut devant moi, où j'en ai conscience tout d'un coup. Et je me dis, tiens, tout d'un coup, devant moi, une harmonie apparaît. Voilà, ou une possibilité d'harmonie qu'il faut que j'active. Ou quand je me mets comme ça dans l'état de faire des photos, des portraits, par exemple, de quelqu'un, je parle avec cette personne, on bavarde, j'ai mon appareil à la main, je fais pas très attention, et tout d'un coup, j'interromps la conversation, je dis « ne bouge plus, ne bouge plus ». Voilà, tout d'un coup, la vérité photographique s'est mis en ordre devant moi un court instant comme pour me faire signe quoi, c'est voilà, si, et le signe en question c'est si tu vois que je te fais signe, c'est le moment. Voilà, c'est un peu ça, une espèce de conjonction idéale. Vous croyez, ça se produit pas forcément, hein. Ouais. Quand ça se produit, alors c'est un moment d'intense bonheur, très court, bien sûr. La photo se prend vite, et puis si on continue de prendre, on voit bien que c'est non, que c'était la première qui était qui devait être bien, quoi. C'est très subtil parce que quelquefois c'est seulement la dernière. On a l'impression qu'on n'arrive pas à faire l'image, que ça va pas être bien, on se fatigue, on est moins précis dans le regard. Et puis au dernier moment, ça me fait un peu penser à une histoire que m'avait racontée Maurice Roche, qui était musicologue, qui était compositeur de musique dans sa jeunesse, et il avait enregistré des artistes deux, trois reprises, et il avait notamment enregistré un chanteur, j'oublie évidemment son nom, ça n'a pas beaucoup d'importance, un chanteur qui chantait la Lettera Amorosa de Monteverdi. Alors, il était avec un preneur de son, tout ça, et donc ils ont fait X prises, puisque c'est le chant lui-même doit durer, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Et donc ils ont fait X prises et c'était formidable, c'était magnifique, et la dernière était vraiment fabuleuse. Mais ils étaient fatigués parce qu'ils avaient passé la journée à faire ça. Et donc à la fin de la journée, dans l'appartement où ils étaient, Maurice a dit à son copain chanteur, il lui dit, écoute, bon, maintenant c'est formidable, on a ça dans la boîte. Maintenant on va mettre tout ça à côté et puis juste pour le plaisir, juste pour nous, tu vas nous le rechanter. Et évidemment, il a enregistré, mais sans que le... Et c'était la plus belle, c'était magnifique. Parce que tout d'un coup, il n'y avait plus de destination commerciale, industrielle à la chose. La photo, c'est un peu comme ça. Il faut miser sur un moment de gratuité absolue de celui qui prend la photo et de ce qui se passe en face. Et c'est quand la gratuité est la plus forte... Alors le signal dont je parlais est le plus aigu et très rapide. Et voilà, la photo est là. Le livre de Denis Roche, Le boîtier de mélancolie, la photographie en 100 photographies, est publié chez Azan. Du jour au lendemain, Jean-Michel Coqui, Bernard Treton, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir. Cette émission a été diffusée la première fois le 16 mars 1999 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Invisible, io vorrei essere invisibile per stare sempre accanto a te che non ti accorgi mai. Gioco di chi non sa perdere, la fuga dalla realtà di chi l'amore più non ha. Ogni notte ed ogni giorno, ogni estate ed ogni inverno, fermo in questa dimensione, invisibile. Ah.